Avril est, de l'aurore, un frère ressemblant. Il est éblouissant, ainsi qu'elle est vermeille. Il a l'air de quelqu'un qui rit et qui s'éveille. Or, nous sommes au mois d'avril, et mon gazon, mon jardin, les jardins d'à côté, l'horizon, tout, du ciel à la terre, est plein de cette joie qui dans la fleur embaume et dans l'astre flamboie. Les ajoncs sont en fête, et dorent les ravins où les abeilles font des murmures divins. Penché sur les cressons, le myosotis goûte à la source tombant dans les fleurs, goutte à goutte. Le brin d'herbe est heureux. L'âcre hiver se dissout. La nature paraît contente d'avoir tout, parfum, chanson, rayon, et d'être hospitalière. L'espace aime. Je suis sorti de la volière, tenant toujours l'oiseau. Je me suis approché du vieux balcon de bois par le lierre caché. Oh, renouveau! Soleil, tout palpite, tout vibre, tout rayonne. Et j'ai dit, ouvrant la main, sois libre. L'oiseau s'est évadé dans les rameaux flottants et dans l'immensité splendide du printemps. Et j'ai vu, s'en aller au loin, la petite âme, dans cette clarté rose où se mêle une flamme. Dans l'air profond, parmi les arbres infinis, volant au vague appel des amours et des nids. Planant éperdument vers d'autres ailes blanches, ne sachant quel palais choisir, courant aux branches, aux fleurs, aux flots, aux bois fraîchement reverdis, avec l'effarement d'entrer au paradis. Alors, dans la lumière et dans la transparence, regardant cette fuite, cette délivrance, et ce pauvre être ainsi disparu dans le port, pensif, je me suis dit, je viens d'être la mort.